musique en marge. C'est fou, 89.1. Le blanc d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. On apprendra des choses comme de bons élèves dans la chronique éducative, c'est un fait. Et puis on mangera quelque chose dans une chronique culinaire quelconque. Assemblage Rocky commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rocky. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce mardi 14 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. How are you doing? Oh non, pas en anglais, tu sais, je peux pas. Excuse-moi, je voulais pas te faire ça à 7h35 le matin. Donc, bonjour à toi, bonjour aux petits requins. Bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. Les gros requins, eux autres? Ouais, ben tu sais, on dit pas gros, on dit qu'ils sont enrobés. Ils sont panés, en fait. Les requins enrobés panés. Hein? Miam! Ah, n'importe quand, ça. J'essaierai ça n'importe quand. N'importe quoi, pané. Ah, c'est fou. Aujourd'hui, l'émission, Steph, on va avoir à 8h dans les coulisses de la Luitre, même si Gabriel Béaud n'est pas là. En fait, je pense pas qu'il va être là même pour le reste de la session. Mais on va parler du match d'hier. En fait, les deux dernières demi-finales, parce qu'on n'a pas fait chronique la semaine passée. Et de la finale qui s'en vient lundi prochain. Oh, déjà, ouais. Déjà. Ça va vite. Ça, c'est à 8h. Ensuite, on va aussi faire, dans l'émission d'aujourd'hui, à 9h, une grosse pointe à l'adresse, la chronique où on mange un produit acheté dans le commerce. Quelque chose qui n'a pas de classe, et cette fois-ci, c'est une collaboration d'une de nos chroniqueuses qui nous a amené quelque chose. Donc, à 9h, on va faire ça. On a aussi prévu aujourd'hui le poste d'écoute. Ben oui! C'est une nouveauté musicale, bonus, parce qu'il y en a habituellement le jeudi. C'est ça, il n'y en a pas eu jeudi dernier. Fait que là, on en fait deux cette semaine. Malade. On règle ça, là. On s'en débarrasse. Ah, les nouveautés, ça va être fini. Je pense que je vais en faire quatre. Ça va être fini pour la saison. Génial. Et on va aussi faire autour de ça la chronique C'est un fait. On débute en musique aujourd'hui avec, comme toujours, c'est ce qu'on fait. C'est la tradition de commencer en musique pour pas trop se faire mal, se faire peur. Ça, on y va tranquillement. C'est ça, faut pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Newspaper tout Spoons. De la cuillère morte. Ouais, c'est ça. C'est Newspaper Spoons. Le Viet Cong. Assemblage Rocky. Silent, vanishing into de Viet Cong et le nouvel extrait Newspaper Spoons sur l'album Viet Cong à Assemblage Rookie. C'est fun à dire. Newspaper Spoons. Newspaper Spoons. C'est comme des cuillères en papier journal, ça. Je trouve, je trouve que ça coule dans la bouche comme Madame Pepper Pot. Madame Pepper Pot, j'avoue. Ah, c'était pas la petite dame à la cuillère, ça? Ben oui, il y avait une cuillère là-dedans. C'était quoi l'histoire de ça, non? C'est l'histoire, ben, elle frottait sa cuillère, puis ouais. La rapetissif à l'époque que son mari la pogne. Ah ben. Cachotière. C'est une coquine. Oui. Ah, vous êtes des coquins, vous avez envie, les copains, d'apprendre des choses coquines. Tu sais? Ben oui. Des faits, dans C'est un fait, mettons. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, selon Internet, bien sûr, et sur assemblagerequis.com, mais tout ça, ça a des sources, là, comme ça, on finit plus. Ok, là, tu t'inventes pas rien à mesure, là. Rarement. Donc, il y a une ville en Oregon qui s'appelle Boring. Ennuyante, et son slogan est « L'endroit le plus excitant où vivre ». Ah, et je pense qu'ils y ont pensé, là. D'après moi, ça va ensemble. D'ailleurs, ils ont une ville sœur, Boring, ça s'appelle la ville sœur de Boring, en Oregon, est en Écosse et s'appelle Dull, qui veut aussi dire ennuyant. Oh! Dull. Donc, ça, c'est en Écosse. Et ils se sont rassemblés avec la ville de Bland, qui veut aussi dire plate, en Australie, pour créer la League of Extraordinary Communities. Pour regrouper donc Dull, Boring et Bland, pour encourager le voyage et faire la promotion de ces trois communautés-là comme place touristique. C'est très drôle. C'est beau. Même leurs pancartes de ville sont plates. Bienvenue à Boring. En tout cas. Ensuite de ça, en 2005. On a amené, intronisé dans le Toy Hall of Fame, la boîte de carton. Tu sais comment les animaux aiment les boîtes de carton? Pas juste les animaux. Enfants. Ben oui, imagine-toi là, une grosse boîte de frigo. Je serais bien. Une boîte de frigo, là, tu sais, les plus grosses. Mm-hmm. C'est vrai que c'est gros, ça. Donc, les Chinois ont inventé le carton il y a plus de 400 ans. Les Anglais ont donc joué avec cette invention-là pour créer la première boîte de carton commerciale en 1817. Dans les années 1870, le carton, le corrugated cardboard, celui avec les petits zigzags dedans, donc a été utilisé pour la vaisselle lors de l'envoi. Il y a aussi un carton encore plus solide, toujours le corrugated qui a suivi après ça. L'Américain Robert Gare a produit la première boîte de carton vraiment efficace en 1879. Donc c'était une boîte die-cut and scored qu'on pouvait mettre à plat et ensuite facilement plier. La plier pour l'utiliser. Depuis ce temps-là, les boîtes de carton sont très appréciées pour pour le fait que c'est recyclable, c'est pas cher, c'est solide, c'est léger. Je pense qu'on connaît tous les avantages des boîtes de carton. À travers les années, les enfants ont commencé à aimer les boîtes de carton et on les a recyclées en plusieurs jouets. Les boîtes de souliers peuvent servir pour des dioramas, pour faire des petites scènes avec des... Ça pourrait être quasiment comme la crèche de Noël. C'est tellement polyvalent. Tellement. Les petites boîtes aussi peuvent devenir des meubles pour les maisons de poupées. On peut dessiner des roues sur les côtés d'une boîte pour faire une voiture. C'est incroyable. On se comprend là-dessus. Et donc, le National Toy Hall of Fame a intronisé la boîte de carton en 2005. Mm-hmm. Une bonne décision. On approuve ça. Il y a une organisation anti-nazie nommée Exit qui distribuait des t-shirts gratuits à un concert néo-nazi, un concert rock en Allemagne. Ces chandails-là avaient l'air d'être à thématique néo-nazi, mais aussitôt qu'on les lavait, il y avait un message anti-nazi qui était révélé. Ah, très drôle. Ça, c'est un petit tour pendable. Pas pendable comme dans « On va tuer les gens » comme dans « Nazi ». En 2010, un groupe d'amis a fait semblant d'être les uns contre les autres. Donc, dans le fond, ils se sont trouvés un camp de la justice pour aller rendre visite à Judge Judy. Et puis, ils ont réussi à récupérer 1 500 $ là-dedans. En 2010, une petite passe-droit, là, si on veut. Donc, un segment de Judge Judy mettant en vedette 4 personnes dans une dispute pour une télé brisée et pour un chat mort. L'histoire était complètement inventée par les 4 colocataires pour avoir un voyage gratuit à LA et un petit peu d'argent des producteurs de Judge Judy. Vous savez que Judge Judy, ils font une émission quotidienne. Mm-hmm. Ils ont besoin de beaucoup de cas à travers l'année. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas nécessairement enquêter pour savoir si tu dis vrai. C'est qu'il y a des gens qui profitent du système, hein. C'est quand même brillant, là. Oui, vraiment. C'est divertissant, puis c'est comme presque une pièce de théâtre. pratiquer ça, j'imagine. Mais après ça, là, ils prennent l'argent des contribuables. Ben, non, ça par contre, non. Je pense non, que, je sais pas c'est qui donne les sous pour ça. La production d'émissions, ouais. Donc, l'histoire a été inventée disant qu'un gars nommé Jonathan s'était saoulé à la maison d'une fille nommée Kate et avait fessé deux télés dont elle était propriétaire. Une des télés aurait atterri sur son chat, Trips. Comme drôle que le nom du chat se soit enfargé. Fait que je sais pas si le gars s'est enfargé sur enfargé. En tout cas. En 1963, Alfred Heineken a créé une bouteille de bière. Je sais pas si le nom t'a dit quelque chose. Là, ben, vaguement, c'est pas très connu, hein? Non. Je savais pas comment le prononcer. Heineken a créé donc une bouteille de bière qui peut aussi fonctionner comme brique pour construire des maisons dans des pays pauvres. Ah! C'est des bières, des bouteilles de bière avec... ça ressemble un petit peu à une bouteille de sirop, je dirais. Ou sinon une bouteille de rince-bouche, mais en vitre. Et le dessus et le dessous, là, si on peut vraiment dire ça comme ça, c'est des petits... des petites pins et des petits trous. Donc en bas des pins, en haut des trous. Ça fait un peu comme des blocs Lego inversés, je te dirais. OK. Environ. Et donc les bouteilles tiennent ensemble et on voit les murs que ça donne. Ça donne une maison qui a juste l'air d'avoir été faite dans les années... je dirais peut-être 60, 70, mettons, où tout était comme shiny. Mais rendu là, on s'en fout. Quand t'es rendu à construire ta maison avec des bouteilles de bière, c'est parce que... C'est ça que tu look un peu. C'est là, ça, tu veux juste un abri. En effet. Mais ça donne un look particulier, c'est plus ce que je voulais dire. Et donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. La première recette connue pour le macaroni au fromage date du 14e siècle en Angleterre. Mmh. Ah, miam, miam, miam. Donc, le macaroni au fromage traditionnel, c'est une casserole qu'on fait au four, au fourneau. Ça peut être préparé, évidemment, dans un chaudron sur le four de nos jours avec un petit mélange. Non, c'est quoi le mot? Tu sais, l'affaire en métal avec une poignée? Ouais, tu sais, là... donc, les casseroles de pâte et de fromage ont été vues dans les livres de cuisine du début du... aussi loin que le 14e siècle, dans Liber de Coquina. Coquina, je sais pas si c'est de coquille ou quelque chose de coquin, je sais pas. Donc, c'était un des premiers livres de cuisine médiévaux. C'est un plat italien de parmesan et de pâte. Donc, c'est une casserole de fromage et de pâte connue sous le nom de macaroons, qui était dans ce livre de cuisine médiévale anglais, The Form of Curry, qui a été écrit au 14e siècle. Donc, c'est ça, ça dit de prendre... J'essaie de traduire un petit peu, de faire une petite couche de pâte et de couper ça en morceaux, ensuite de mettre ça dans l'eau bouillante, ensuite de défaire du fromage en miettes, là, et puis d'ajouter du beurre en dessous et au-dessus. Et du lausin, ça je sais pas ce que c'est, du lausin, on va aller voir. Je suis pas sûr que la photo a été prise à l'époque, par contre. Non, ça doit pas venir du livre d'origine. Lucins, je sais pas ce que c'est. Je pense que non. J'essaie de trouver la définition, mais c'est pas grave. Bref, allez voir la recette parce qu'il y a des liens vers les livres Liber de Coquina et Form of Curry sur assemblagerequis.com. Ça a l'air délicieux, ce plat-là. En haute page, là. Ouais, c'est pas la même fausse. D'après moi, la photo, c'est pas la recette non plus. Non, sûrement pas. C'est juste un macaroni au fromage, bien normal. Les Mythbusters, les stupéfiants, l'émission de télé, ils ont testé la grosseur des poitrines et la corrélation avec les pourboires reçus en argent dans des restaurants par les serveuses. Ils ont découvert que les hommes vont tiper leurs serveuses qui ont des gros seins 30% de plus, alors que les femmes leur donnaient à ces femmes-là, qui ont des plus gros seins, 40% de plus. Je sais pas si c'était par encouragement ou solidarité féminine. Solidarité, exactement, mais tant mieux. Puis ça, c'est un test qui vaut la peine. Pourquoi tant mieux? Quoi? Non, pas tant mieux qu'il reçoit plus de tips, tant mieux qu'il ait fait ce test-là, excuse. OK, parce Non, c'était pas clair. Non. Oui, pas juste. On est pour tous les seins de toutes les grandeurs. Ah ouais, une boule, c'est une boule. C'est ça, hein? Puis on les amène au studio, 3351, boulevard des Femmes. Et on s'en occupe. non, ça c'était super sexiste, on fait pas des propos comme ça. Un homme a réussi à un petit peu découvrir le code, craquer un peu le code des billets de loterie gagnants. Il a calculé, ça lui donnerait $600 par jour. Et donc, à la place de hacker le jeu, il a décidé de donner le problème, de faire son compte rendu à la Lottery and Gaming Corporation. Donc, il a réussi à trouver la façon de gagner, je sais pas, $600 par jour, je me semble que... Je sais pas si c'est... comment il a calculé ça, mais ça a l'air d'être un mathématicien. S'il a réussi à trouver la formule de la loterie, donc on lui posera pas trop de questions. Je l'aurais fait une couple de fois avant de le dire. C'est ça. La Russie, un grand champ de diamants qui contient des trillions de carats, assez pour fournir les marchés du monde entier en diamants pour 3000 années. le champ qui a été découvert dans les années 70 en dessous de, d'un cratère d'astéroïdes de 35 millions d'années en Sibérie. Un grand champ de diamants qui a été découvert. Il l'exploite pas? Pas l'air à ça, hein? Découvert dans les années 1970. Je sais pas si c'est si en dessous de quelque chose, peut-être qu'ils peuvent pas se rendre jusque-là. C'est en dessous d'un cratère. C'est en dessous d'un trou. Ouais. Ils ont même pas à creuser tant que ça. C'est selon un article du Huffington Post qui lui parle de ces diamants russes. Un cratère de météorite en Sibérie. Pas diamant brut qu'on dit. Diamant russe. Je sais pas. Et finalement, un ensemble de 19 questions contenant entre autres la question suivante. Est-ce qu'on a le bon patient? Et... quelle opération allons-nous performer? Un ensemble de 19 questions pourrait réduire les morts lors de chirurgie de plus de 40%. Ouais, hein? Ça pourrait valoir la peine de peut-être penser à ça. Je pensais que c'était de base, moi, ça, ces questions-là. Il me semble, mais apparemment que non. Peut-être un jour. Donc, on va être dans cet effet où on essaie d'apprendre des choses sur la vie de tous les jours, dans peu importe les domaines. Et on va continuer, pourquoi pas, avec un autre emballage de faits. Il n'y en aura pas 19 ensemble, mais c'est un emballage facile à comprendre, de 10 faits à la fois. D'accord. Chargés tous ensemble, 10 à la fois, jusqu'à temps qu'on les ait puis qu'on puisse les lire, comme mettons maintenant. Neil Armstrong et l'équipe, faut attendre que ça charge. Donc, Neil Armstrong et l'équipe de Apollo 11 ont une lune sur le Hollywood Walk of Fame à la place d'une étoile. Ça, c'est intelligent. Oh! J'approuve énormément. Ben, tellement! Cette décision-là est belle en plus. En 1959, un DJ à la radio nommé Peter Tripp. Je sais pas si c'est le frère du chat tantôt. Ah, oh, ben Tripp. Oui! Donc, un DJ à la radio nommé Peter Tripp a réussi à rester réveillé pendant plus de 200 heures pour une œuvre de bienfaisance. Il ne s'en est jamais remis psychologiquement, nous dit-on. Oh. Il entendait des voix, il hallucinait et le dernier jour, ils ont attaché des électrodes à sa tête, ils ont surveillé tout ce qui se passait dans son cerveau. Bref, ils ont détecté des phases qui ressemblaient au rapid eye movement, la phase de sommeil, dans son cerveau qui était éveillé, donc qui était comme en sommeil léger pendant qu'il était réveillé. Donc il était devenu, on disait, fou à ce moment-là. Malgré son diagnostic de psychose, il a quand même réussi à continuer l'émission. Ce qui étonnait à peu près tout le monde autour de lui. Il est resté debout pour un total de 201 heures. Il a dormi pendant 24 heures de suite après. Wow! Il y a eu en fait un changement de personnalité permanent qui a mené à son divorce éventuellement. Oh! C'est vraiment, vraiment triste. Donc, c'est Peter Tripp, T-R-I-P-P. Jamais on se rendra jusque-là, c'est fou. On essaie de faire des marathons, puis... C'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait un marathon plus long que toi avant, fait que... Pourquoi essayer si le record est déjà beaucoup plus loin que ce que tu espères même faire? Tu fais un peu ça dans le beurre, là, c'est en fait, non? Oui. Aux Olympiques de 1968, Kipchoge Hezekiah, je prononce ça un petit peu n'importe comment, mais donc on l'appelle Kip Kano, ou Kaino, qui était presque en retard pour la finale du 1500 mètres, parce qu'il était pris dans le trafic, ça, c'est aux Olympiques de 68. Il a couru pendant 2 miles de distance pour se rendre à l'événement à temps. Il a quand même gagné l'or. il souffrait de pierres sur les... Où c'est où d'habitude sur les reins? Ouais, t'as les reins, t'as les foies. Les foies. Le foie. Ça arrive une fois de temps en temps. 2 miles en kilomètre, ça donne 3,21. Et des gallstones en français, ça nous donne... Ça peut... là-bas. Ça donne... Magie! Donne quoi? La vésicule biliaire, gars. Ah. Est-ce que tu sais ça? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, il y avait ça. Kipchoge Keino, ou connu aussi sous le nom de Hezekiah Kipchoge Keino, athlète à la retraite, qui courait pour le pays du Kenya. Pendant sa carrière, il s'est mérité des douzaines clair. De médailles. Les meilleurs coureurs, ils viennent tous du Kenya. C'est vrai ça. C'est pas des farces, c'est pas d'un autre pays africain, c'est le Kenya. Le Kenya. On va à Kanye. Ouais, mais il s'appelle de même, c'était pas ça? Kipchoge Kenya? Kanye West. Kanye West. Donc, il a gagné une douzaine de médailles. Presque une douzaine de médailles. Quand tu dis presque une douzaine. Ok, on recommence. Quand tu dis presque une douzaine, que tu prends le temps de dire ça et que tu dis pas genre une dizaine, un petit peu plus d'une dizaine, ça veut dire que c'est pas mal 11 finalement. Tu sais, sinon tu dirais ouais, un petit peu plus ouais. de 10. Pourquoi qu'ils ont pas juste dit 11? Moi, ça m'énerve. C'est tellement flou. Vraiment, ça, surtout quand c'est proche de quelque chose qui est rond. C'est ça, parce que ça, t'avais juste pas l'information. Non. C'est ça. C'est marqué Kip earned almost a dozen medals. Presque une douzaine de médailles. Je trouve ça bizarre. C'est pas comme si 12 était nécessairement aussi le chiffre à atteindre. Oui, exact. Tu sais, c'est comme si le record, ça avait été 50. Il y a presque une cinquantaine. T'sais. Ouais. En tout cas. tout cas, la moitié de ses médailles étaient des médailles d'or. Il a été diagnostiqué de ces pierres-là et les docteurs l'ont averti qu'une autre course pourrait le tuer. Il y avait vraiment des douleurs extrêmes. Kano a accepté de ne pas participer à la course dans le 1500 mètres, mais le jour de la course, il y a eu un changement d'idée. Donc, en se rendant en autobus au stade olympique, l'autobus s'est pris dans le trafic. Et c'est là que l'histoire est devenue intéressante. Réalisant que l'autobus allait être en retard, Kip s'est levé, a couru les 3, quelque chose kilomètres de plus jusqu'au stade olympique avec ses équipements sur le dos. Et ensuite, il s'est enregistré pour la course avec 20 minutes de lousse. Il s'est préparé, il est sorti sur la piste et a gagné la médaille d'or. C'est n'importe quoi. C'est insultant pour les autres. J'avoue ça, c'est vrai. Les chauves-souris vampires. Desmodus rotundus, tu connais les Desmodus rotundus, qui peuvent mourir s'ils ne trouvent pas du sang 2 nuits de suite. Ouais. Heureusement, des chauves-souris généreuses et bien nourries vont souvent régurgiter du sang pour le partager avec les autres. Yeah. Oui, ça a été noté par plusieurs naturalistes comme exemple d'altruisme réciproque de la nature. C'est beau, ça. On devrait apprendre de ces chauves-souris-là. Tout à fait. Donc, les chauves-souris vampires sont des chauves-souris dont la source de nourriture, source alimentaire est le sang, un trait diététique nommé l'hématophagie. Mm-hmm. Bravo à elle. Mais non, mais c'est ça, on devrait apprendre de ça. Tu sais, le club des petits déjeuners, ça devrait être ça. Tu trouves quelqu'un qui a déjeuné, mm-hmm, puis t'en envoies une partie. Miam! On change de sujet complètement. 65% des utilisateurs de téléphones intelligents ont téléchargé 0 application habituellement par mois en moyenne. 0 application. 65% des gens, là. Faut vraiment avoir juste... Faut être complètement satisfait d'avoir que la base, genre. Calculatrice, calendrier, téléphone, c'est tout. Je peux comprendre, étant donné que j'en ai un téléphone intelligent, ouais, que je m'en sers pas, parce que je télécharge toutes mes applications sur mon iPod qui est et un appareil iPad. iOS, et ça aussi c'est un appareil iOS. Tu sais, Android, honnêtement, je trippe pas. Pas non plus, moi non. J'ai essayé, je suis pas juste vendu, j'ai vraiment les deux dans les mains, puis je... Moi non plus, puis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Vous pouvez dire le contraire si ça vous tente. Tant mieux si vous aimez ça. Mais bref, 0 application pour 65% des gens qui achètent un téléphone intelligent. Tant qu'à ça, acheter un flip phone. Ouais, mais c'est parce que t'en as plus en magasin de ça. Non, ben ouais. Ouais, j'avoue. Mais. Master à 0$, ben, c'est des smartphones. Mais c'est ce que les gens ont pas l'air de comprendre. Parce que je me dis, le grand public a peut-être pas. Peut-être qu'ils se font pas expliquer très bien que 0$ pour un téléphone intelligent, c'est 0$. Et pendant tous les mois, t'as un petit montant de ta facture qui est considéré. Qui est pour repayer le subsidiary de je sais pas quoi de ton téléphone. Alors que si tu prends un téléphone, un feature phone, ça c'est un téléphone qui a presque rien dedans et qui est à 0$, ton forfait va te coûter moins cher parce qu'il n'y a pas d'intégrer le prix de ton téléphone dedans. Moi je sais bien, mais il n'y en a pas en magasin. Il y en a moins, c'est vrai. Il y en a encore. Ils sont peut-être cachés, ils sont pas en vedette sur les petits présentoirs, mais il y en a encore. Ouais, faut tout ça. On veut pas nécessairement tes ventes parce qu'ils font pas de code dessus. C'est parce que les gens qui... En fait, qui pourraient savoir qu'il y a ça, ce sont les gens qui s'en serviront pas non. parce qu'ils connaissent trop ça. C'est ça. Tu comprends? T'as bien, bien mis le doigt sur le bouton du téléphone pour raccrocher. Une condition... Tu vas répondre avant? Ouais, c'est ça. Une condition psychologique nommée le KORO, K-O-R-O, qui fait que les gens qui en souffrent croient que leur appareil génital a été volé. Ça s'appelle le KORO. Aïe, aïe, hein? Volé! Ça se peut pour un gars, mais ça se peut pas pour une fille. Ben, psychologiquement, peut-être que tu peux penser, malgré tout, que tu te l'es fait voler de l'intérieur par... Mais tu peux pas voler un trou? Tu sais, je sais pas. Est-ce que tu peux... Ben, tu sais, si tu vas chez Tim, tu peux te voler un trou de beigne. C'est la pâte qu'il y avait dans le trou jadis. T'as raison. C'est pas un trou. C'est du vide. C'est de la fausse représentation. C'est pas un trou, c'est un plein. T'sais. Non, c'est un plein de beigne. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine a demandé aux Américains de prêter leurs chiens pour la guerre. Les propriétaires des chiens se faisaient même envoyer des lettres à la maison pour Noël, leur informant par rapport à la performance de leur chien pendant la guerre. Donc, tu fais prêter ton chien. On peut voir une lettre prise en photo sur assemblagerequis.com. J'aurais envie d'en lire un petit bout. C'est horrible. Vraiment horrible. Donc, cher monsieur Albin, hein, évidemment, c'est un grand plaisir pour moi de vous informer que votre Doberman Pinscher, prêté pour vous pour utilisation lors de la guerre par les US Marine Corps, a donné une performance excellente lors du combat pendant une opération amphibienne conduite par les Marine Corps contre les forces japonaises de Bougainville Island. British Solomon Island, Rex, un chien scout, donne un avertissement à la présence des Japonais proche de la position des Marines pendant la nuit du 7e jour de l'opération, blablabla. Donc le chien, tu sais, ils disent vraiment ce que le chien a fait pour aider. Donc c'est pas juste genre, ok, ben votre chien va bien là, ok, bye, t'sais, talk to you later. Tu vas me sourire, non, c'est quand même des détails. Moi, je pense que c'est de la bullshit. Ça se peut, il y a aucune preuve, j'avoue qu'il y a aucune preuve. Puis vraiment, est-ce que les gens qui ont écrit ces lettres-là connaissent vraiment l'identité de chacun des chiens? Imagine que lorsque tu l'inscris, ils ont un petit collier, quelque chose, non? J'espère, j'ose espérer. Ah ouais, puis là, ils prennent le temps d'aller voir le collier, prendre des notes, hey, fuck off, là. Ben, si emprunte le chien de quelqu'un, c'est comme emprunter un ben, c'est comme un soldat, faut que tu connaisses. Je sais pas. T'es le grand sceptique et je peux comprendre là-dessus. Je sais pas. Alors, ensuite, il y a des grosses... ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Des grosses flèches de ciment, de béton. Je sais pas s'il y a une différence, je suis pas en construction, mais une flèche de ce qu'on appelle du béton-ciment, comme d'habitude. Gigantesques flèches partout aux États-Unis qui restent... C'est des restants des jours où le courrier était volé, était envoyé par l'air, par les avions. Donc, par hibou? Par hibou, non. Les pilotes les utilisaient pour naviguer. Donc, de grandes, grandes flèches de béton qu'on voit par terre et c'était pour indiquer où étaient les boîtes aux lettres, où j'imagine pour aller livrer le courrier. En avion. En avion, c'est vraiment cool. On les voit du ciel. Il faut aller voir les photos via Google Maps sur assemblagerequis.com. C'est vraiment intéressant à voir. Ensuite, il aurait pu construire des bars en flèches. Tu sais, des genres des petites maisons en forme de flèches par-dessus. Une cabane à chien pour les Marines. Il y a une anguille électrique nommée Miguel Watson, évidemment. Tu t'appelleras pas ton anguille Roger. Là, donc, Miguel Watson à l'aquarium du Tennessee qui envoie des tweets préécrits. Si tu suis sur Twitter, twitter.com/electricmiguel, comme electric, c'est un jeu de mots avec EL pour une anguille, puis electric, c'est débile. Ouais, ouais. Electric Miguel. Donc, aussitôt qu'il émet de l'électricité à un certain degré, il va envoyer un tweet préécrit sur Electric Miguel. C'est cool, hein? C'est spécial. C'est le 15 décembre 2014 que l'aquarium du Tennessee a installé donc, cette anguille électrique de l'Amazon, l'Amazonienne, Miguel Watson. Enregistré son compte sur Twitter, qui envoie donc des messages automatiques directement de l'aquarium. Ça contient aussi des faits scientifiques, ainsi que des apps entre étoiles et des jeux de mots. Hein? Ah ouais, je vais le faire en anglais, hein, okay, pour essayer de le comprendre. Comment est-ce que t'appelles quelqu'un qui est bon pour attraper des poissons? What do you call someone who is good at catching fish? Fish. La réponse est Annette, comme dans un filet. Annette, ça s'appelle Annette. Quelqu'un qui est bon pour attraper des poissons. Oh, yeah! Tu sais, ça tweet ça, Miguel Watson. Ou encore, j'aime mon nouvel environnement. J'espère que l'aquarium va pas commencer à me charger pour le loyer, genre me charger. Charger. Joke d'électricité. Cœur, hein? Ça marche mieux en français, je trouve. Ça finissait bien, celle-là. Par contre, on finit avec celui-là. En 1986, un criminel s'est échappé lors de transfert de prison en prison. Tu sais, on peut changer de prison des fois. Mm-hmm. Une semaine plus tard, il est revenu dans une hélicoptère volé pour faire sortir sa copine. Oh! Oh! 1986. T'es-tu refait de prendre? Ça dit pas. Voilà, c'est tout pour C'est un fait. Ça finit, j'aurais dû finir avec l'autre. Ouais, c'est ça. Non, c'est une belle histoire. Okay, merci. Voilà pour C'est un fait. Les liens sur assemblagerequis.com, comme toujours. Et on devrait avoir le temps pour faire un autre bloc C'est un fait tantôt. Cool. Mm-hmm. Mais avant ça, en musique, on écoute Philippe Braque. Parce que sûrement que si tu rajoutes un N, il est branché quelque part. Philippe Braque. Voici Ravin avec Les égouts de mes ébats. Sur ce fou. Tu téléphones avec ton téléphone. Tu m'attends avec ton temps. Tu ne m'écoutes pas avec tes oreilles. Tu ne vois rien avec tes yeux. Pourquoi tu me chies pas dessus avec ton cul? S'il valait mieux rester dans ta tête que sur mes deux pieds, s'il valait mieux s'ouvrir les yeux au lieu des veines. jusqu'à ce que je comprenne que j'étais devenu ta fausse sceptique. Ben j'ai des petites nouvelles, paraît qu'elle en dit pleine. Fait que j'ai décidé d'aboucher pis de te flusher, pis de te flusher. Parce que si t'étais un char, j'serais ton rabbin. Si t'étais antisémite, ben j'serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, j'prendrais plus long qu'une pause. Sur le seuil de ta porte, j'ai fini d'attendre comme une citrouille fin novembre. Est-ce même plus une question d'être capable, mais de joindre l'utile au désagréable. Parce que si t'étais un char, j'serais ton ravin. Si t'étais antisémite, ben j'serais ton rabbin. Toujours besoin de quelqu'un ou ben quelque chose. Sais-tu, j'prendrais plus long qu'une pause. Si c'était un char, je serais ton rabbin. Si c'était juif, je serais ton rabbin. C'est pour être ça la suite. Ravin, les égouts de mes ébats, par Philippe Braque à Assemblage Requis. Au retour, on a plus de C'est un fait. On a le poste d'écoute. On a une grosse pointe en dresse. On a vous autres qui êtes en train d'écouter l'émission de radio jusqu'à 9h30 à Assemblage Requis. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis en ce mardi 14 avril 2015 et Stéphanie Paradis. Puis c'est Mathieu Plante! Maison! Ah, là, on a appris bien les affaires. Dans le prochain bloc, on n'apprendra pas grand-chose. Enfin, on va en savoir plus sur au moins la finale de la Ligue universitaire d'improvisation. Ah oui! Mm-hmm. Parce que voici que nous pénétrons dans les coulisses de la lutte. Dans les coulisses de la lutte, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Malheureusement, pour le reste de la session, on n'aura pas vraiment Gabriel Béhoud, lui qui étudie en l'enseignement, donc il y a des cours à donner. Il étudie, oui. Wow. Contrairement aux gens qui sont venus assister à ces demi-finales, parce qu'on n'a pas fait de chronique la semaine passée, en fait, la dernière fois date du 30 mars et on n'avait pas fait la chronique qui suivait cette semaine-là. Mm-hmm. Donc, un petit résumé de la première et de la deuxième demi-finale. Donc, pour débuter celle du 30 mars, le pointage final était de 9 à 6 pour les Rouges. Donc, ça a donné évidemment que la semaine prochaine, lors de la finale, les rouges vont jouer, alors que les oranges ne joueront plus jamais. Jamais. Enfin, je pense qu'on a fait cette chronique-là, donc je vais passer rapidement. Mais l'étoile des oranges, à ce moment-là, était Alexandre Marchand. L'étoile des rouges, Gabriel Béhoud. Et l'étoile de l'arbitre, Philippe Grenier. Hier, c'était la deuxième demi-finale. Et c'était évidemment un match assez sympathique et flamboyant avec Maxime Tanguay comme arbitre, qui nous a fait, bien sûr, une inspiration musicale avec des trames sonores de films comme Grand Budapest Hotel et Blade Runner. C'est vrai. On a eu beaucoup de pénalités, beaucoup de non-respect de la carte thème dans le match d'hier. Et Maxime Tanguay avait dit qu'il serait vraiment tight là-dessus, là, vraiment sauvage. Et ça va être comme ça pour le reste de la session, parce qu'on est en demi-finale, puis c'est bien important, ces affaires-là. Ben oui. Bien important. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans? Il y a eu des blagues de toupie, hein, où j'ai fait des blagues comme toupie or not toupie. J'ai juste noté mes jeux de mots, fait que je peux juste vous rappeler les jeux de mots, ça. Il y avait Sting aussi, le chanteur Sting, parce qu'il y avait l'effet sonore Sting dans une impro que j'avais fait la blague de Sting. Bref, le score final 9-8 pour les Bleus. L'étoile donnée aux Bleus est allée à Maud Paquette. L'étoile donnée aux Verts à Magali Brousseau-Arcan. L'étoile de l'arbitre à Vincent Réville, le capitaine des Bleus. Et ça a été un revirement de situation à la dernière seconde, parce que ça a fini à égalité. 8-8. Okay. On est allé en fusillade, même si on avait dépassé notre temps alloué pour le chansonnier qui s'en vient après nous autres, on a quand même fait le fusillade. Ouais, c'est ça. Et finalement, les Bleus ont gagné sur une dernière petite impro. Donc, il y en a qui vont trouver ça injuste, il y en a qui vont dire que c'est blâme pas le jeu, tu sais, genre, de se dérouler comme ça. Mm-hmm. Hier, c'était le dernier match pour Jean-François Latour. J'ai terminé le match en présentant les joueurs et Jean-François Latour de me dire tout triste, c'était mon dernier match. C'est vrai parce que les Verts s'attendaient vraiment à l'emporter sur les Bleus. Les Bleus étaient derniers au classement en date d'hier, mais loin derrière. Ça a fait mal. Ça fait mal et les Verts pensaient vraiment pouvoir avoir un dernier match. Mais donc, dernier match pour Jean-François Latour. Et on m'a dit aussi plus tard dans la soirée, ce qu'on m'a pas dit live, parce que bon, j'imagine qu'il y a trop d'honneur contrairement à Jean-François Latour. Mais c'était aussi dernier match en tant que joueur pour Antoine Lacasse, le capitaine des Verts. Wow! C'est plate pour eux autres. Les Bleus vont donc jouer la semaine prochaine avec les Rouges pour un dernier match de la saison. Hier, c'était le conseil d'administration, l'Assemblée générale de la Luitre. Et on n'a pas le droit de parler de ce qui s'est passé là-dedans parce que c'est bien sûr privé, mais on a nommé les nouveaux capitaines pour l'année prochaine. Oh, déjà? C'est déjà fait? Déjà fait. C'est eux qui vont choisir leurs joueurs pour l'année prochaine. Vous allez avoir des surprises là-dedans, c'est certain. C'était bien le fun de faire ça jusqu'à très, très, très, très, très, très, beaucoup trop plus que tard que je pensais hier soir. Mais quand même. Donc, il va y avoir de l'impro l'été. Comme chaque année depuis quelques temps, la lutte pour remporter va avoir lieu cet été. Ça, c'est évidemment, le nom le dit. La place, où vous pouvez commander un match de la lutte dans votre appartement, dans votre cour arrière, sur une terrasse, peu importe, vous avez des amis, un barbecue, et voir un match d'improvisation devant vous. C'est quand même tentant. Ben oui, c'est écœurant, ça. C'est malade. Donc, commandez-vous une lutte pour emporter. On a même nommé quelqu'un pour s'occuper de ça hier. On a plein d'affaires qui ont eu lieu lors de l'Assemblée générale. Donc, ça revient, c'est confirmé, la lutte pour emporter. C'est confirmé aussi que la lutte, la Ligue universitaire d'improvisation revient à l'automne. Je pense que c'est pas... J'espère. C'est quand même assez important de le mentionner. Ce sera la 11e saison de la lutte. Ça va prendre encore 10 ans avant de fêter. Avant de fêter une autre fois. Quoique 11, c'est deux nombres pareils. Deux chandelles. Exactement. Donc voilà, comme je disais, le dernier match, c'est le 20 avril, toujours à 20h, toujours un lundi à la Chasse-Galerie, et suivra, juste après ce match entre les Rouges et les Bleus, le Gala du Mollusque. Ah oui! Où on remet des prix aux joueurs les plus appréciés, le joueur coup de cœur. Les gens ont pu voter pour leur joueur coup de cœur à la mi-temps et à la fin du match des deux demi-finales. Les gens ont pu remplir ça avec la face de la personne, tout ça, qu'ils préféraient pour l'année au complet, la personne la plus drôle selon eux. Ça va être remis au Gala du Mollusque. Ainsi que les prix Citron. On nous prépare ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais des références, des sketchs et des noms bizarres pour chacun de ces prix-là. Les prix Citron. Lors du Gala des Mollusques qui aura lieu juste après la grande finale du 20 avril. 20h, chasse-galerie gratuit. C'est pas mal tous les détails que j'ai à dire là-dessus. Mais je pense que si on a suivi vraiment la lutte attentivement, c'est super intéressant d'aller au Gala des Mollusques. je pense que c'est la continuité naturelle. Tu peux pas manquer ça. Non, absolument pas. Puis je disais, si tu pars après le match puis tu restes pas pour le gala des mollusques, ben, tu sais. Ah. T'as trop de vie. C'est ça. T'as d'autres choses à faire. Voyons donc, t'as d'autres choses à faire. Ouais, franchement, là, hey. En plus, ça va être le 20 avril, donc j'imagine encore en fin de session pas mal. Les gens vont vouloir faire ça vite puis partir. Ça devrait pas être un énormément long gala du bonus que vous en faites pas. Donc voilà, on fait dans les coulisses de la lutte les mardis vers 8h pour encore une dernière fois la semaine prochaine. Donc soyez-y et Gabriel Béhout, ben vous salue, j'imagine. De sa classe avec ses élèves. Oh, il est fin, fait qu'il fait salut. Ben c'est ça. Allô? Allô? Ah, dans quelques instants, on continuera avec d'autres matériels, comme encore un petit peu de C'est un fait. Mais avant ça, j'ai vraiment, vraiment envie de retourner dans le palmarès, parce que du côté anglophone, je retrouve, par surprise totale ce matin, un nouvel album d'un groupe que j'adore, un de mes groupes préférés de l'histoire de C'est fou. C'est peut-être pas quelque chose de super underground. C'est quand même un petit peu mainstream, mais ça joue pas ailleurs. Puis c'est bon artistiquement. Et il faut dire, je connaissais ça avant d'arriver à C'est fou. Fait que c'est quand même c'est un grave. Peu grave. C'est ça. C'est grave. Donc c'est du Dead Cab for Cutie qu'on s'en va entendre sur leur nouvel album qui se nomme Kintsugi. Kintsugi. Mon grain, j'imagine. Voici voici Black Sun tout de suite sur C'est fou. 89 FM. Death upon grace within forgiveness, but it's so hard for me to find. How could something so fair be so cruel when this black sun revolves around you? How could something so fair be so cruel when this black sun revolves around you? C'est quoi le mets préféré d'une sage-femme, mettons? Le placenta? Non, non, ah, ça c'est drôle par exemple. Non, c'est du poulet, tu sais, comme un sage-femme. Mais je sais pas. Donc, toujours à Assemblage Rocky, on vient d'entendre une pièce de Death Cab for Cutie sur l'album Kintsugi, c'était Black Sun. Voilà. Tantôt, avant de parler de la lutte, on était dans C'est un fait. Donc, retournons à C'est un fait, mais sans l'intro. Ben ouais, pourquoi rechanter l'intro quand on peut se léviter? Quand on peut sleviter, on dirait du russe. Sleviter. Pas des jeans, ça? Sleevy? Sleevy, oui. C'est ça, je m'en vais où? Je m'en vais à Sleevy. C'est à côté de... C'est à côté de Québec, ça, Sleevy? C'est ça. Les bébés en Islande. T'sais, c'est pour ça que je parlais de sage-femme tantôt. Mm-hmm. Donc, il y a les bébés en Islande qui, de façon routinière, sont laissés à l'extérieur seuls, dans des températures très froides pour faire leur sieste. Je pense que c'est pour faire leurs dents. Non. <J'sais pas. rire> Non, non, non, non. Quoi que ta barre tende... Ta galette qui est dure... Mais c'était vraiment le cliché de la galette santé. Là. Ouais. C'était vraiment très, très, très cliché. Elle est verte. Oui. Puis elle est dure demain. Mais moi, j'ai répondu que tu pouvais te faire tes dents et que ça allait être bon pour tes gencives. Mais non, j'étais quand même bon, là. Il y avait de la bêta-carte dedans. Ça y enlève rien. Ça y enlève rien, même si c'est dur et verte. T'sais. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Matthias Hellboy Schlitt. Matthias Hellboy Schlitt. Qui est, c'est vraiment bizarre, mais c'est un des gars, c'est un compétiteur de bras de fer, combat de bras de fer. Il a une condition génétique, OK? C'est vraiment, vraiment bizarre. Allez voir la vidéo, mais il y a une condition génétique qui fait que son bras droit est anormalement gros et fort, OK? Ah. Mais seulement son bras droit. Il y a une petite vidéo, Unexpected Power, sur assemblagerockey.com, qui est un petit peu sous le format d'une parodie. C'est vraiment comme pour rire de tout ça. Mais on nous dit que le gars est un vrai gars. Et qui a vraiment une vraie condition génétique. Il y a un article à son sujet sur ESPN.com. Matthias Hellboy Schlitt. Et on voit vraiment que son bras droit est le double du bras gauche. C'est vraiment particulier. C'est un peu, pour vous donner une idée, ouais. Et c'est même pas exagéré, vous avez tous écouté Astérix et Obélix, oui, les 12 travaux. Le gars qui lance le javelot, même affaire. Mais la vidéo est très, très drôle. Oui, c'est vraiment une parodie. Il montre vraiment tout ce qui pourrait arriver si t'es vraiment plus fort d'un côté. C'est très drôle. Les blagues de masturbation qu'il doit avoir à tous les jours doivent être vraiment insupportables. Bref, il a commencé à l'âge de 16 ans. C'est un Allemand qui est allé à un tournoi de bras de fer à la suggestion de sa mère. Quand il est arrivé, il s'est évidemment fait regarder par tout le monde. Il pesait 140 livres et son corps était beaucoup plus petit que ses collègues compétiteurs. Et ensuite, il a commencé à faire du bras de fer et les rires ont arrêté. Donc, Schlitt est né avec une défectuosité génétique rare qui fait que son avant-bras droit a un os 33% plus gros que son bras gauche. Ouais. Donc, il a évidemment un bras énorme et puis ça lui donne un avantage probablement assez injuste. Mais bon, en même temps, quelqu'un qui est fort en général des deux bras et de tout son corps au complet a aussi un avantage injuste d'être né avec une force surhumaine, ça peut arriver aussi. Bon, dans le fond, il n'y a pas vraiment de problème. Ça. Bref, il est rendu à 27 ans, en tout cas, en date de l'article de ESPN. Il fallait en savoir plus à son sujet. Oui, c'est un beau jeune homme, là. Pensez pas que vous allez voir quelque chose de difforme, là. Non, non, non, non. Et puis, ouais, imagine tout ce qu'il peut faire avec ça, hein, comme on dit. Enfin, j'imagine que c'est ce que tout le monde dit pareil, fait que je vais juste dire la parole du peuple. Rabaisse-toi pas à ça, rabaisse-toi pas au peuple. Non, je sais, je vais laisser ça aux autres. Walt Disney, sa moustache, accidentellement a été allumée en feu. Par l'animateur, on parle animateur de gars qui fait des dessins animés. L'animateur, il y a sûrement un terme en français que je pourrais utiliser autre que ça, mais je le connais pas. Ken Anderson, un dessin animateur. Tiens, voilà. Donc, Ken, on va recommencer parce que j'ai tellement divagué sur d'autres affaires qu'on s'appelle plus du début. Donc, Walt Disney, Sa moustache a été mise en feu accidentellement par l'animateur Ken Anderson. Ken pensait qu'elle allait se faire sacrer dehors à cause de ça. Et ça paraissait dans son travail qui était stressé de perdre son emploi. Donc, Walt a rasé sa moustache et a passé la semaine au complet à dîner avec Ken pour qu'il se sente pas aussi mal. Oh, mais c'est donc bien fin. C'est cool, hein? Non, ça, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques détails de plus. J'espère qu'il était pas juif. Comme la chanson de Rabin tantôt de Philbrac. Callback. Une femme nommée Veronica Scott qui a fait le design d'un petit manteau d'hiver que les sans-abri peuvent utiliser pour le convertir en sac de couchage. Ah? En distribuant les manteaux, une femme sans-abri a dit, et je cite, « Tes manteaux n'importent pas, les emplois importent. On a besoin d'emplois, pas de manteaux. » Fin de la citation. Ah. Tu sais, aucune reconnaissance, comme on l'appelle. Ouais. Veronica a pris ça à cœur. Et elle a engagé des sans-abri. Pour faire les manteaux. Pour faire les manteaux. C'est vraiment cool. Dans des maisons de transition, dans des, voilà. Des abris de personnes hein? sans-abri. Cassé, le vagabond. Mais tu sais, je peux comprendre notre amie Veronica Scott, qu'on salue, qui est la nouvelle ambassadrice d'Assemblage Rocket de Relevant, mais bon, pour ses aides de bienfaisance. Mais j'allais dire que c'est le fun de qu'elle se soit fait critiquer. Elle aura remis dans la face un petit peu, genre. Mais tu sais, elle les a quand même écoutés, là. Oui, oui, t'sais. Exactement. C'est pour le bien de tous. Bref. Donc, l'Empowerment Plan, qui est une organisation humanitaire américaine établie donc par Veronica Scott. Les manteaux sont commandés par des organisations à but non lucratif pour distribution gratuite aux sans-abri. Et la Croix-Rouge a même été intriguée par cette idée-là pour le recouvrement des gens après désastres, genre tempêtes, tornades, etc. Avec l'aide des dons et des machines et des matériaux, donc pour les manteaux et les contributions des compagnies de Détroit comme General Motors et le fabricant de vêtements Carhartt, l'Empowerment Plant produit 6500 manteaux, ont produit 6500 manteaux l'année passée. Ils ont fait plus de 9000 manteaux depuis le début de l'aventure, donc Empowerment Plant par Veronica Scott. Quand même! Super cool! Si on remplit un bol d'eau et qu'on met un peu de poivre, du ground pepper, là, du poivre moulu, voilà, sur l'eau, okay. On y va, on met ça sur le dessus de l'eau, et qu'ensuite on garnit notre doigt allègrement de détergent Ah oui, en fait, c'est un débrouillard. Ils ont fait ça un débrouillard? Eh ouais. Je savais pas ça. Mais bref, si on met du détergent à vaisselle sur son doigt et qu'on met ça le doigt dans le milieu du bol, le poivre va aller sur les côtés. Eh ben. Je me sais pas pourquoi, par exemple. Toi, j'écoutais pas tant que ça quand j'étais petite. Non, puis est-ce qu'on est une émission scientifique? Est-ce qu'on est là pour raconter des affaires? Non, on fait juste dire des faits. C'est ça. Fait que le reste, arrangez pas. Un homme chrétien a passé une année de sa vie en jouant le rôle d'un homme gay. Bizarre. Bizarre un peu. Il a fait son coming out à sa famille. Il a trouvé un travail comme barista dans un café gay. Il a aussi demandé à ses amis de jouer le rôle de son copain. L'expérience a radicalement changé son point de vue sur la religion. Et maintenant, il voit l'homosexualité comme quelque chose d'acceptable. Bon, ben, c'est, mon Dieu, si ça a eu cet avantage-là... Pour le bien de la cause, c'est... Ben. Je suis quelques crans au-dessus de Veronica Scott. Peut-être. un groupe de corbeaux s'est tellement fâché lorsqu'un chercheur qui portait un masque leur a donné des bandeaux, des bracelets, ben pas des bracelets, mais un genre de collier, si on veut, d'identification, qu'ils ont recruté d'autres corbeaux pour harceler les gens qui portaient le même masque plusieurs années plus tard. Donc, il y a un chercheur avec un masque qui leur a installé ça. J'imagine qu'il a masqué sa face parce qu'on sait très bien que les corbeaux sont du genre à reconnaître les visages, d'où le fait qu'ils reconnaissent les masques. Ah. Donc, en portant un masque, il n'allait pas se faire lui-même attaquer après, j'imagine. Ah. Donc, quand quelqu'un d'autre portait ce masque-là, le même masque, il se faisait harceler par les corbeaux. C'est un peu croche pareil, mais c'est très croche. Mais on a appris beaucoup de choses avec les années dans ces deux faits sur les corbeaux qui sont très intelligents. Ben oui. Ouais. Ensuite, George Aldrich, qui a travaillé pour la NASA pendant plus de 40 ans. Et son emploi, son travail, c'est de sentir des choses. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'odeur déplaisante sur l'International Space Station et sur les fusées, etc. Donc, son nez est aussi calibré et testé à chaque 4 mois. Wow! Il commence à avoir les cheveux blancs. Je ne sais pas s'il va vieillir et perdre son sens de l'odorat un jour. Ben, pour l'instant, ça va encore bien. Pour George Aldrich. Tout le même genre de personne qui confectionne les parfums. Ouais, genre... Qui sent les tout de bras pour les désodorisants. Ensuite, les Mohawks, les Amérindiens Mohawks, étaient souvent utilisés comme travailleurs dans les gratte-ciels, lors de la construction de gratte-ciels, parce qu'on croyait qu'ils n'avaient pas de peur naturelle des hauteurs. En fait, c'est un mythe. La plupart avaient peur, mais leur culture leur disait de ne pas le montrer. Ah, voilà, toute la différence. C'est pas mal ça. Pendant plus de 100 ans, le peuple Mohawk ont participé donc à la tâche surhumaine de construire des gratte-ciels et des ponts aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Travaillant à New York depuis les années 20, ces braves travailleurs ont aidé à construire certains des endroits les plus connus de New York, dont l'Empire State Building, le Chrysler Building, le pont George Washington et le World Trade Center. Et finalement, le Rosetta Disc. J'appellerais ça le disque de... J'imagine que c'est... Je crois que c'est Rosetta en français aussi. Mais bref, c'est un disque de 3 pouces de diamètre. Et à la surface de cette disquette-là, il y a une archive de plus de 1500 langages humains. Ça contient des milliers de pages d'informations qui doivent être regardées à la loupe pour être lues. Et si vous allez sur assemblagerequis.com, il y a des photos de plus en plus zoomées de ce disque de Rosetta. De plus en plus près. Et vraiment, la dernière image est aussi claire qu'une page de livre. Alors que juste avant, c'est des petits paragraphes qui ressemblent à des empreintes digitales presque. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment super. Donc le Rosetta Disc qu'on peut prendre dans ses mains. Il y a une compagnie aussi d'apprentissage de langue là, qui s'appelle Rosetta Stone. C'est des CD-ROM, genre, ils annoncent ça à TV. Il y a une logique derrière ça. Il y a une logique. Donc ça peut être contenu dans la paume de votre main. Ça contient des milliers de pages d'informations sur 1500 langages humains. Ça a été gravé au microscope et ensuite électroformé dans du nickel solide. Un processus qui fait juste monter un petit peu le texte de 100 nanomètres à partir de la surface du disque. Chaque page fait 400 microns de large. Je crois que c'est de la diagonale, ce qui est la largeur de 5 cheveux humains. Et oui, ça peut être lu avec un microscope à 650 fois aussi clairement qu'on pourrait lire l'imprimé d'un livre. Les pages individuelles sont visibles avec beaucoup moins de magnification, de loupage, de 100 fois. Donc les photos sur assemblagerequis.com viennent de la version interactive du Rosetta Disc qui vous donne une idée du contenu de ce disque-là, vu à travers un microscope. Vous pouvez voir tout ça sur assemblagerequis.com et sinon c'est rosettaproject.org. Intéressant. Vraiment cool. Voilà, c'est tout pour cet un fait. Tout à l'heure, ce sera Stéphanie Paradis et le poste d'écoute. Ouais. Mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici L. King sur l'album Love Stuff. C'est X's and O's. Ah, c'est fou. X's and O's par Al King. C'est sûr qu'on va réécouter ça à Assemblage Rocky. C'était super bon. Ok, oui. Ça devrait pas être les Queen. Elle est queen? Ah, oh, j'avoue, moi, non. C'est king. Non, non. Ouais, on sait pas. Ah, peut-être un pénis. Peut-être que son nom de famille, c'est roi. Au retour, à le poste d'écoute d'Assemblage qui restait. Fou d'originalité. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Hey, salut! Hein? Salut à vous autres! Toujours ouais. Assemblage requis en ce mardi 14 avril 2015, et Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Ça va? Oui, ça va très bien. Moi, les jeudis, d'habitude, j'aime ça, la nouveauté. Le mardi, je suis très, très stagnant. OK. Tu sais, comme je prends mon steak, là, stagnant. Pas ton steak stagnant. C'est ça, c'est température pièce sur une tablette pendant une semaine. Si un jour tu demandes ça à un serveur, je veux être là. J'ai bien hâte de voir sa réaction. Mais j'avoue que ça pourrait être un bon gag. Stania, c'est peut-être parce qu'il reste sur le comptoir et il est plein de verre. C'est ça. En plus, que tu m'as appris récemment, c'est toi, je pense, qui m'as appris que c'est stagnant. Hein? Ouais. Ouais, c'est toi qui m'as dit ça. Mm-hmm. Perturbant. En français. Mm. Yeah, boy. Hey, c'est comme, tu sais, un gecko, là. Ouais. Un petit lézard. Ouais. Ben, c'est un gecko. Ah! Ben, ouais. Un gecko. On devrait même pas dire gecko. Ben, voyons donc. C'est perturbant. Tu me surprends. Ouais, c'est perturbant, le perturbant. Ça, c'est le. le fils turbain pis t'as le père. Okay. Moi, c'est le poste d'écoute. Le poste d'écoute! Hey! Le poste d'écoute! Le poste d'écoute! Hey, j'ai un gars avant. Ok. C'est comment ça s'appelle le fils du perturbant? Du perturbant? Quoi? Le fils du père turban, il s'appelle comment? T'as pas de réponse? Tu peux juste dire j'ai pas de réponse dans ce temps-là? C'est le jeu, c'est d'habitude, c'est de dire je sais pas. Mais je sais pas. Okay. Enfin. C'est un turban en main. Son fils est un turban en main. Le fils du père turban. T'as non, on laisse faire? Est-ce qu'on aurait dû pas faire en ça? En tout cas. Ça gâche un peu le poste d'écoute. Hein. Bof! Ça. C'était-tu vraiment si haut que ça, le poste d'écoute, pour pouvoir redescendre? C'est une blague. Hey, le poste d'écoute, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est moi avec ma lumière frontale qui explore les sous-sols de ces fous. Dorénavant, je t'appelle le poste d'écoute vu que c'est toi le poste d'écoute. Ouais, c'est moi. Cool. Enchanté. Et j'essaie de vous ressortir la crème de la crème. Donc aujourd'hui, je vous présente l'album League of Wolves de la formation League of Wolves. Qu'est-ce que ça joue en hiver, ça? C'est du rock alternatif. Le groupe est formé de Dylan Curry à la voix et à la guitare, Aspen Beveridge à la voix et à la guitare aussi, Craig Beveridge, j'imagine que c'est son frère, à la batterie et à la voix, et Ethan Stork à la basse. Wow! Ils sont originaires de Maple Creek, en Saskatchewan, mais sont aujourd'hui, actuellement, présentement, installés à Saskatoon. OK. Que j'imagine c'est meilleur pour se faire connaître. Oui, que oui, Maple Creek, où personne ne connaît ça. C'est ça, la crique aux feuilles d'érable. Et c'est très drôle. Si vous allez sur Facebook à la question maison de disque, la réponse c'est We Wish. Ah. On l'espère. Ouais, ouais. Cool. Donc, ils n'ont pas de maison de disque, j'imagine. C'est ça le message. Moi, je vous fais pas attendre plus longtemps que ça. Puis, je vous fais entendre tout de suite une première pièce de ce groupe saskatchewanien. Saskatchewan. Décor ta vie. Ah, décor ta vie. J'avoue, j'avais oublié complètement qu'elle existait. Saskatchewan. Oui, t'as raison. Saskatchewan. C'est une animatrice de télé pour ceux qui suivent pas autant que moi. Ça aurait été drôle si tu l'avais compris. Ouais, dès le départ. Hein. Fait que Runaway. C'est trop intelligent. Runaway. On avait baissé le niveau au début de la chronique, là on vient de leur baiser encore une autre fois. rien là. League of Wolves. Et tout juste avant, c'était Runaway. C'est pas le vrai titre de ça, rien là. Ariella. Ariella. Pas à rien là. Y'a rien là. C'était correct, mais c'est rien de bien spécial là. Wow. Vous êtes toujours au poste d'écoute à Assemblage Requis. Et je vous présente présentement l'album League of Wolves de League of Wolves. Exactement. On aurait dû enregistrer Laurent Constantin, mais l'enregistrer, le découper et installer ça. Excuse-moi, comment est-ce que tu as dit ça? On l'aura enregistré. Oh! Notre chroniqueur de loup-garou du campus. Voilà. Ouais. Donc, oui, les membres de la formation, ben, ont commencé hein, comme des petits garçons dans une petite ville, dans un groupe inconnu, en jouant des covers. Mais les rockers ont évolué en un groupe quand même bien respecté. Ces quatre jeunes hommes ont passé 2 ans à construire leur réputation à la manière ancienne, hein, donc avec des concerts live et des enregistrements bruts. Donc, selon eux, le tout sonne comme du Sam Roberts et du Kings of Leon. Rien de moins, Ariella. Ariella. Ariella. Donc, Dylan, Ethan, Aspen et Craig se connaissent depuis l'enfance. Donc, alors que... oui, il y avait juste Aspen là, qui était pas là dans la gang. Craig, Ethan et Dylan, lorsqu'ils avaient 16 ans, ils jouaient de la musique régulièrement ensemble déjà. Ils développaient des nouveaux airs influencés par Winter Sleep et The Black Keys. Miam. Donc, miam. Oui. Donc, le trio s'est séparé après l'école secondaire, mais c'était juste une question de temps avant qu'ils ne recommencent à écrire leurs propres chansons en tant que groupe et deviennent la bande qu'ils sont aujourd'hui. C'est beau, hein? C'est oui. Une belle histoire. Les jeux de mots avec Aspen me viennent tellement comme il y en a plein. Là, Aspen. Il va finir en prison, Aspen pénitencier. C'est bon. Puis. Fait stylo. Aspen. Ah! Ouais. Fait stylo. Justement, tu parles de fesses, il se penche, le mixer au pénitencier. Faire attention. Faut pas faire des blagues de viol, là, mais ouais, un savon est si vite échappé. Donc, faites votre propre gag avec Aspen. On s'en va entendre de maintenant 2 autres pièces, parce que c'est bon. Moi, j'en veux encore. Donc, Give Me Some. Oui, Aspen de ce temps-là. Ou peut-être Aspen de ce temps-là, ouais. Pourquoi t'as salé ton café, lui, il sucre avec du Aspenda? Ça arrête plus, ça arrête plus! Le poste d'écoute sur ce fou. Habits and feelings. poste d'écoute. Chat. Et tout juste avant, dans le même bloc, c'était Game et Sam, tout ça de League of Wolves, dans le poste d'écoute à Assemblage Requis. C'était cool. Ouais. C'était bien, ça passe bien dans mes oreilles, ça. Moi, je trouve que c'est rafraîchissant. J'écouterais ça dans mon auto, les fenêtres baissées, là. C'est le moment. Beau. Oui. Ouais. Génial. Donc, on retrouve ça peut-être dans le palmarès anglophone, éventuellement. On l'espère. On l'espère. C'était le poste d'écoute qu'on fait habituellement les jeudis en fin d'émission et qu'on va faire cette semaine, jeudi aussi. Mais oui, on se gâte là, deux fois. Édition bonus. Mmh. Voilà. Ça va être le moment de passer à la prochaine pause. Au retour, ce sera une grosse pointe en dresse avec évidemment de la nourriture achetée dans le grand commerce pour monsieur et madame tout le monde. C'est au retour. Avec les nouvelles de fast-food du monde entier à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. C'est là. C'est fou. 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Papa, en effet, palala papa, palala papa. Toujours Assemblage requis en ce mardi 14 avril 2015, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante, Philippe palala papa. Ben, chanter la chanson. Ben, pas chanter, mais je la citais en fait. La papa palala papa. C'était, oui, c'est ça. C'est, on dit Alex Nevsky aussi par moment, des fois, quand c'est des palala papa. Non, avant c'était. La descente du coudaison, c'est ça? Exactement ça. C'est de la coudaison comme conjugaison, mais avec la descente du coude. C'est ça. Hey, cela étant dit, c'est une transition de merde. Donc, il nous restait une nouvelle entrée à entendre du palmarès de cette semaine, du 13 au 19 avril. On a entendu tantôt les trois anglophones, Viet Cong, Dead Cat for Cutie et Al King. En franco, on a déjà entendu Philippe Bragg. Il nous restait seulement Violence avec leur nouveau maxi, Le Théâtre. C'est sa première diffusion à cette pièce-là. Donc, voici l'invention du divertissement. Assemblage requis. Après ça, c'est une grosse pointe en dresse.

pas un tout ski, là, mais comme des légumes asiatiques, mais avec du chocolat à partir. Ouais. Ça a l'air bon, hein? Ouf. Je trouve que ça a l'air très, très bon. Voilà, donc c'est des images qu'on peut retrouver sur assemblagerequis.com. Ça donne mal au cœur. Crème glacée, popsicle, biscuit, on pourrait mélanger n'importe quoi là-dedans. N'importe quoi. Ouais, dans vraiment, c'est la fois que tu fais comme un gros sundae. Une giblotte. Une poutine, on va se dire. C'est une poutine. La définition même du mot poutine, finalement. La science dit que tu magasines différemment si tu regardes les produits par en haut ou par en bas. On a tous déjà remarqué dans les centres d'achat que les produits moins chers, pas les centres d'achat, les épiceries, que les produits les moins chers étaient sur la tablette du bas parce que c'est moins accessible, tu le vois moins, mais les produits moins chers sont pas mal tout le temps la tablette du bas. Ou la dernière en haut. Ou la dernière en haut, ouais. C'est ça, les extrêmes, disons. C'est ça. Ce qui est au niveau de l'œil, c'est les produits qu'on veut le plus sortir, qu'on va te vendre pour le plus de profit possible. Hein? Quand même assez évident. Donc, dépendant de la hauteur des gens, mais quand même, on fait une moyenne un petit peu là-dessus. Une nouvelle étude nous apprend donc, que le positionnement vertical sur une tablette ne va pas seulement avoir un impact sur le fait qu'on va voir un produit ou pas, mais aussi sur les décisions d'achat qu'on va faire. Selon une étude publiée dans le Journal of Consumer Research, qui nous parle donc du fait qu'on perçoit ça différemment dépendant si on regarde par en haut ou en bas. L'idée a été testée par des chercheurs de Ghent University en Belgique sur les processus humains, les stimuli quand on regarde par en bas. Plus précisément, donc, étant donné qu'on regarde tellement souvent par en bas des articles qui sont à proximité de nos yeux, que ce soit des livres, des ordinateurs, des montres, les humains cherchent des informations plus concrètes que lorsqu'on regarde par en haut. Pour regarder plus en général à la distance. Les consommateurs, les gens, les clients du magasin sont utilisés à focusser leur attention en regardant par en bas. Donc, ils sont habitués à regarder les informations par en bas. On est habitué, quand on regarde plus par en haut, à regarder plus en perspective, plus loin, si on veut. Donc, dans une expérience, les étudiants universitaires ou collégiens se faisaient bander les yeux et se faisaient asseoir dans une chaise qui était positionnée pour que leur tête soit à 30% d'inclinaison par en haut ou 30% par en bas, alors que quelqu'un décrivait une scène sur un lac avec un bateau. Ça a l'air vraiment bizarre. Après ça, on leur demandait d'estimer à quelle distance ils imaginaient le bateau. Les sujets qui avaient la tête par en bas disaient environ 29 pieds en moyenne, alors que ceux qui regardaient par en haut estimaient en moyenne 83 pieds, qui est 2,5 fois plus loin, parce qu'on est habitué à regarder de loin. C'est vraiment une très grande différence. Les chercheurs croient que ça montre que, étant donné que les sujets étaient bandés des yeux, la perception, la différence de la perception a plus à voir avec le mouvement corporel de regarder par en haut ou par en bas, contrairement à juste voir les choses. Une autre étude plus tard, qui est plus directement reliée au magasinage, là, parce qu'on parlait d'un bateau tantôt qui avait pas vraiment rapport avec le magasinage, donc qui avait rapport avec les décisions d'achat, avec les sujets à différents angles. Les sujets qui se faisaient demander de garder leur tête tiltée par en haut, par en bas, ou de la garder au niveau droit, pendant qu'ils répondaient à une série de questions. Une question leur demandait de faire une décision d'achat sur une imprimante entre deux modèles. L'imprimante A était décrite comme étant plus fiable, avec un score de 9 sur 10, et de moins... plus élevé en fiabilité, mais moins élevé en qualité, donc 8 sur 10. Alors que l'imprimante B était moins fiable, 8 sur 10, mais de meilleure qualité, 9 sur 10. Donc l'imprimante A, c'est vraiment trop long comme article. Donc l'imprimante A, selon les chercheurs, est un produit qui a un meilleur score dans un aspect plus concret, la fiabilité, alors que l'imprimante B avait un meilleur score dans l'aspect qualité. Les sujets du test se faisaient demander de décider d'acheter une imprimante en divisant 100 points entre les deux articles en compétition et ensuite coter la qualité et la fiabilité de chaque produit sur une échelle de 9 points. Les résultats nous apprennent que les sujets qui regardaient par en haut avaient plus de chances de choisir l'imprimante B, celle qui était de meilleure qualité mais moins fiable, que ceux qui regardaient par en bas qui regardaient droit devant eux. Et eux faisaient exactement le contraire. Wow, c'est donc bien surdétaillé. Quelle est la meilleure imprimante? C'est laquelle la meilleure imprimante? Ça dépend de ton point de vue, j'imagine. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Tu sais, plus fiable, mais moins bonne. Ou plus bonne, puis moins fiable. Pour moi, fiable, puis bonne, ça m'en fait. Puis 8 sur 10, puis 9 sur 10, c'est proche. Non, mais peut-être la qualité de l'impression. Peut-être. Puis sa durée de vie. Peut-être. C'est vraiment complexe. Voilà, moi, j'ai le cerveau en feu, donc on va arrêter là. Mais quand même, intéressant de savoir que l'angle de la tête a vraiment, littéralement, un lien dans plusieurs études. C'est pas juste une fois, puis c'est pas du placebo. Là, voilà. Finalement, tu fais des meilleurs achats la tête en haut ou la tête en bas? Ouais, le résultat, mettons, là, de l'étude, mettons, là, si on veut juste aller droit au but à la place de niaiser sur des détails, mettons. je me le demande moi-même, donc attends un peu. La recherche pourrait aussi avoir un impact sur le commerce en ligne parce qu'on regarde tout le temps par en bas nos téléphones cellulaires et nos ordinateurs, ça c'est vrai. En fait, les décisions d'un consommateur pourraient être influencées par le fait qu'ils regardent le site au travail. Ils ont plus de chances de regarder directement devant leur ordinateur par rapport à une tablette ou un téléphone cellulaire qui est souvent positionné plus bas. Donc, conséquemment, lorsque les marques compétitives apparaissent dans des positions plus basses, la part de marché du leader sur le marché, qui est souvent la marque préférée, va souvent être encore plus élevée. Donc, les résultats suggèrent que les publicités qui sont accrochées au plafond, c'est quand même efficace. Et les panneaux ou les autocollants affichés sur le plancher aussi. Et des publicités sur les tablettes. Donc, c'est pas vraiment pour le client en tant que tel de savoir quels sont les meilleurs produits, c'est plus pour le marketing et les magasins eux-mêmes qui vont savoir maintenant comment placer leurs produits par rapport aux positions des gens, tu comprends? Wow. C'est sûr que depuis quelques années, on voit quand même pas mal des petits... depuis pas mal longtemps, mais des petites télés qui sont affichées directement au niveau des yeux, puis ça attire le regard plus vers ce produit-là. Et j'imagine que c'est... Les petites télés... J'ai pas vu les petites télés avec des... c'est comme pas vraiment des télés, mais des affichages animés, genre, sur les tablettes dans les magasins, genre. T'as pas vu ça? Au Canadian Tire? Non, j'en avais vu d'autres pour du savon à vaisselle, des trucs comme ça. C'est juste ça. C'est animé, puis il y a une petite animation. Hein? Ouais, j'ai vu ça. Bref. Donc voilà pour une grosse pointe en dresse. On fait ça les mardis aux 2 semaines en attendance avec aux 3 semaines pendant. Hein? Termines ça très confus. Est-ce que tu veux que je finisse avec une autre plus légère? Moi, je suis mêlé, là. Oui, avec une légère. Oui, avec. Je vais choisir avec. Ça va bien finir, ça, Steph. C'est un magasin de bonbons à Los Angeles qui essaie de battre le record du monde pour le plus gros peanut butter cup. Ah bah ça c'est bon, cool, ça voilà. J'ai compris. On a l'autre. Donc il y a des emplois bien sûr qui sont plus fun que d'autres. Peut-être justement essayer de briser un record avec les ingrédients de ta compagnie par exemple. Tiens, c'est un magasin de bonbons de Los Angeles qui essaie de battre le record pour le plus grand peanut butter cup. Là, ça c'est les Reese's comme on appelle. C'est ça, ils veulent évidemment remplir leur rêve dans une piscine pour enfants. Uh-huh. Avec du beurre d'arachide et du chocolat pour obtenir un bonbon énorme. Donc c'est le Candy Factory à LA. Selon NBC News, les gens de la compagnie ont utilisé plus de 440 livres d'ingrédients, ce qui bat donc le record qui était détenu par par le Vermont, qui pesait 250 livres, pas le Vermont mais le Buttercup. Le record doit être vérifié encore aujourd'hui par Guinness, mais une fois que ce sera fait, ce sera un record. Génial, hein? Et ensuite, il était combien pour le manger? Ça dit que il va être vendu en petits morceaux et ça va être pour une œuvre de bienfaisance. Ah! Non, sûrement pas d'énormes prix, mais quand même. Quand même, voilà. Est-ce que ça te satisfait comme fin de chronique? Oui, c'est bon en plus. Peanut butter cup. Ça, puis des jelly beans, tu fais ma journée! les liens sont sur assemblagerequis.com, bien sûr. Nous, on va terminer l'émission ici. Sur cette confusion et ensuite un petit bonheur pour terminer. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain, on aura la dernière chronique de la saison de Véronique Mire. Oh. Est-ce qu'il nous reste 3 semaines ou 2 semaines? Il nous reste 2 semaines, donc ça va être l'avant-dernière. Il pourrait y en avoir une le 28. Si on est chanceux. Donc, Véronique Mire, Charles-Antoine Rioux avec la chronique du Club Planaire QTR et Frédéric Bernard pour Crackpot TV. Ça va être le plan de demain. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, la rediffusion de Rock Classique. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et finalement, à 21h, c'est Matière Noire, l'émission de métal progressif et de musique obscure. Sifu.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci beaucoup, Stéphanie Paradis. Merci, Mathieu Plante. C'est tout aujourd'hui. C'est pas mal ça. À demain. Merci, Peanut Buttercup. Bonne journée, Sweetie Pie Cherry Blossom. Quelque chose d'autre. Ah, ok. Bye.